Ça s'applique au niveau des mots, c'est créatif. Ça s'applique au niveau d'une action, c'est créatif. Vous pouvez être créatif passivement ou créatif, créatif activement. Vous pouvez être créatif à rien faire, vous pouvez être créatif à faire quelque chose. Oui, la raison pour laquelle je parle de cette cellule de l'esprit, c'est que vient un temps où on s'aperçoit que notre esprit est comme emmagasiné dans une énergie. Et comment envoyer été dans une énergie. Puis ça, on s'en aperçoit quand ça va mal. Quand ça va mal, là, il y a comme un mur quelque part. Y'aurait dû comprendre ça? Il y a comme un mur, là. Il y a comme, tu sais, il y a comme pas de sortie. À ce moment-là, quand vous sentez ça, là, essayez pas de sortir. Comme un labyrinthe, on peut pas sortir. Ouais. Quand vous êtes dans le labyrinthe, restez là. Courez pas comme des souris dans le labyrinthe. Vous allez vous faire manger par le minotaure. C'est votre imagination. Quand vous êtes dans le labyrinthe, asseyez-vous dans un coin du labyrinthe et fumez une cigarette. Ça m'a prenez ça. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que le labyrinthe, tous les petits couloirs du labyrinthe vont devenir très clairs. Là, vous allez sortir. Et si vous faites comme les Grecs, vous vous sauvez à gauche par à droite. Vous avez une maudite trouble. Parce que ça, c'est fait, c'est vibratoire. Puis quand tu le sens, cette affaire-là, il n'y en a pas de porte de sortie. S'il n'y en a pas de porte de sortie, là, c'est pour vous entraîner à vous autres à fonctionner dans votre esprit. C'est pour vous entraîner à fonctionner à... Bon, il dit, regardez la situation. Supposons que de suite à l'heure, là, il y a une bombe atomique qui tomberait sur Montréal. OK. Les Russes, les radios, tout le monde fric, Radio-Canada, là. Tout le monde pète. La police, les... Le père... Pis ça arrive dans mes pays. T'sais, tout le monde freak, t'sais, tout le monde. Il y a qu'une façon de pas freak. Parce que quand ça va arriver, là, là, il va y avoir comme un étau dans votre tête. Pis cet étau-là, cette énergie-là, ça, c'est le supramental. Puis là, là, à l'intérieur de cette cellule-là, vous avez votre petit égo. Qui se pète ses murs de cette énergie-là. Puis là, là, dans votre expérience, là, vous dites souvent, il n'y a pas de porte de sortie, vous êtes mal à l'aise. On va m'en sortir. On va m'en faire sortir. Tout le jus de l'ego, là, qui est plus dans cette énergie-là. L'ego, il n'y a rien qu'une chose à faire dans cette énergie-là. S'asseoir, puis boire le coke. L'ego, il attend. Puis quand l'ego s'est saisi, là, quand ça va mal, là, qu'il s'est saisi, qu'il se met au nœud, là. Il peut attendre 5 minutes, il peut attendre 1 heure, il peut attendre 2 heures. D'un coup, là, il y a un mouvement qui vient. Il y a un mouvement qui vient. Ouais. Ça. Puis là, il y a un mouvement qui vient, là. Puis là, l'ego commence à suivre le mouvement, puis il sort. Il appelle. Il a détruit cette énergie-là. Mais s'il panique, l'énergie-là va devenir plus forte, puis plus forte, puis plus forte, puis plus forte, puis plus forte. Parce que là, il va rentrer une émotion là-dedans. Les pensées, là, puis fort, puis fort. Quand ça va mal dans ce que j'appelle la cellule de l'esprit, quand ça va mal, vous avez la tête coupée, là, comme du ciment, prenez un coup. Faites rien, asseyez-vous, attendez. Je vous dis ça pour vous habituer à fonctionner mentalement. Quand vous allez apprendre ça, que ce n'est pas quoi, divorce, les cours, toutes les bébêtes de notre vie, que ce soit n'importe quoi, attendez. Attendez. Laissez faire les choses, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire, c'est vous casser la tête. Puis vous pouvez pas. Puis plus vous allez être sensible aux vibrations, plus vous êtes susceptible de vous casser la tête. Ça, c'est pas un fait normal. Moi, j'ai fait le tour de la ville de Montréal, c'est tellement incroyable. Quand j'ai jamais eu de demander après 5 heures de temps, j'ai une gueule. C'est ça, c'est chiné. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a une situation de panique, une situation intense, un événement, perdre un job, c'est pas un événement. Il n'y a pas de support. Ouais. Je parle d'un événement. Chercher une job, ça, c'est pas un événement, ça. Ça fait partie de ta vie de tous les jours. Je parle d'un événement. Il y a un événement qui arrive. Paf! travail. Puis à part ça, t'es regarde, t'es comique, comment tu trouves des jobs? Toi, tu dépenses du gaz. Je comprends que tu dépenses du gaz. Parce que quand tu cherches un job, tu cherches 500 000 à ronde. Tu cherches pas 500 000 à ronde. Prends un journaux. Regarde un journaux. Puis des journaux, là, tu vas à un autre. Des journaux, tu vas être amené à parler à quelqu'un. Puis de quelqu'un, tu vas être amené à parler à une autre personne. Faut que tu parles de toi pour aller chercher un job, pas de l'extérieur vers toi. Tu vas te gazer. Part de chez vous, trouver un job. Part des journaux. Tout ça, les journaux. Part des journaux. Les compagnies. Après ça, tu t'en vas de même. Mais va-t'en pas de même d'abord tout de suite pour venir chez vous. Ils vont te faire faire le tour de la ville. C'est vibratoire. Il y a des façons de se trouver un job. Puis la meilleure façon, c'est partir du niveau de l'information qui est proche de chez vous. Puis ça, c'est journaux. Et ensuite, tu mords. Puis ça, tu parles à quelqu'un, tu t'es contact. Tu vas une compagnie là, puis une autre compagnie là-bas, puis une autre compagnie là-bas. Je comprends, tu vas en dépenser le corps. Tu vas dépenser de l'énergie. Puis à part ça, ta job, tu peux pas bosser là. Tu peux pas trouver avant un certain temps. Il y a un temps pour ta job. Fait entre le temps de ta job et l'effort que tu fais, toi, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais ça, c'est vibratoire. C'est dur pour moi de t'expliquer ça. Parce que c'est vibratoire. Tu peux te trouver un job psychiquement ou tu peux te trouver un job mentalement. Il y a deux façons de se trouver un job. Si tu trouves un job mentalement, tu vas aller bien plus vite que si tu vas en chercher psychiquement. Mais ça peut être... Mentalement, ça peut impliquer que tu n'auras pas la vibration pour une semaine de temps. Là, une semaine, tu fais le mouvement. Tu suis le mouvement. Puis ensuite, tu coupes. Puis ensuite, tu apprends. Si tu vas psychiquement, tu vas en dépenser bien d'énergie pour trouver un job. Mais pour fonctionner mentalement au niveau d'un job, au niveau des choses, la vie importante, faut sentir la vibration. Ça, on le sent quand on le sent, la vibration. C'est comme si j'avais tout porté, parce que, en ouvrant la porte, les enfants m'avaient alerté, là. J'ai une vibration, là, de chaleur. Je comprenais pas. Mais, du moment où j'ai sorti de la maison, j'ai plus qu'à faire quoi, sans une pensée. Mon petit garçon était levé sans une pensée, il y avait une voiture qui m'attendait, qui m'amène, là. Et je pensais pas, là. Je voyais juste la situation. Quand je suis arrivée sur les lieux, il y avait juste une fraction de seconde avant l'ambulance. Il y avait juste des mots qui sortaient. La foule était dissipée. Pas ça. J'ai pas eu à m'expliquer. J'ai pas remercié la femme qui avait mis les couvertures pour protéger ma fille, là. Puis je disais, il y a rien aux gens. C'est pas grave. C'est ça qui était, il y aura pas d'autre chose. Je peux parler. C'est toutes ses têtes. Il y a une femme qui a dit, tu vas prendre ton petit garçon, je vais l'emmener. Puis c'est la seule personne qui l'a laissé. Puis là, j'étais pas consciente, je voyais pas les gens. Je me suis sentie malée, puis je me disais, je comprends la fois la force, là. Ce qui arrive, vous autres, quand vous fonctionnez mentalement, la force est tellement grande que vous vous sentez mené. Mais faut que vous en arriviez à pas vous sentir mené, mais à sentir la force. Ah. C'est nous autres qui l'aiment. Ouais. C'est ça? Pas que vous autres que vous menez. Non, mais mener pas dans le sens comme un automate, là. Ça, c'est aller se sentir téléguider, là. Ouais. C'est-à-dire c'est fonctionner, là, faire un mouvement, là, puis dire... Vous êtes sûr que c'est ça? C'est ça. Vous n'avez pas de questions. C'est ça. C'est parce que la vibration vient quand même en fonction de son entourage. Elle vient quand c'est le temps. Mais oui. Tout vient en fonction. Seulement, c'est psychiquement, souvent, on interfère avec cette vibration-là. C'est ça. Mais faut pas... Au début, quand on sent cette énergie-là, on s'emmène, on s'emmène des robots. Il faut en arriver à la vie, cette vibration-là, d'une façon bien normale. Parce qu'elle fait partie de nous autres, anyway. Seulement qu'elle est activée sur un autre plan de notre conscience. Mais une fois qu'on commence à s'habituer à cette sorte de vibration-là, puis au genre d'action qu'elle peut nous faire faire, on s'aperçoit que ça va bien vite, les actions. Mais le danger, si on interprète mal ce que je veux dire, dans le sens que si on comprend pas bien ce que je veux dire,

C'est là, là, que tu commences à réellement organiser ta vie, organiser ta vie, organiser ta vie, organiser ta vie, dans tous les domaines de ton existence. C'est là que ta volonté. Vous aurez pas de volonté tant que vous aurez pas le pouvoir de déterminer la nature limite de votre existence. La volonté que je parle, moi. La volonté que je parle, je parle volonté de tous les jours, là. Joseph Murphy, c'est pas ça que je veux dire. La volonté que je parle, c'est la volonté qui est une réaction absolue de votre esprit contre l'esprit universel. Puis ça, c'est un équilibre entre vous autres et eux autres. Quand vous l'avez, ça ne peut pas vous l'enlever, vous l'avez. Ils vous ont amené à ça. Puis ça, c'est une volonté créative. Laissez-moi dire, c'est vrai. C'est comme être autonome avec l'énergie qu'on accumule. C'est ça. Vous êtes autonome avec l'énergie que vous avez accumulée. Là, il n'y a plus rien, vous allez. Je suis pas content, là. Parce que quand il arrive quelque chose, je m'assieds dessus, puis j'attends la boîte de fer pour, je m'a pas enlevé d'une fâche, là. J'attends juste que, il se met ma part. On ne sait pas que ça m'amènerait, j'ai pris l'attitude, puis quand il arrive quelque chose, je réagis pas, je m'assieds dessus. Ouais, ça, c'est la première fois. Mais que tu... Ça fait longtemps, c'est... Ouais, d'accord. C'est pas fini. Attends 82-83, là. Attends au mois de juillet 82, là. T'as même rien donné. Juillet 82, là, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Là, tu réagis pas à l'énergie. En 82, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Parce que l'énergie va commencer à te bousculer en 82. Tu vas commencer à la sentir en toi. Concrètement. Puis c'est là, là, que ça va commencer le phénomène de la volonté. Parce que le phénomène de la volonté, c'est le dernier des phénomènes dans l'homme. La seule chose qui a pu que je combatte, c'est que l'opinion des autres me disait réagir quelque chose. T'sais, mais là, je me suis guéri de ça, j'ai laissé parler. Ouais, mais ça, c'est au niveau de développer des attitudes créatives. Mais la volonté, ça n'a rien à faire qu'une attitude. La volonté, c'est un pouvoir interne qui résulte de la souffrance. C'est comme une forme de révolte. C'est une révolte. C'est pas une forme de révolte. C'est une révolte. Parce que là, ça t'arrive, ça, là, tu mets la hache dedans, tu te fais le vin noir, là. Puis là, après ça, là, il dit, là, ben là, attends. Patiente. Là, c'est parce que t'es écoutes, ben non, c'est parce que, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Là. Ça dépend de la situation. Ils peuvent te dire, attends, parce que tu peux pas agir. Mais si tu pouvais agir, t'attendras pas. Mm. Vous autres, au stage où vous en êtes dans le développement de la conscience, vous êtes encore au stage, vous êtes encore esclave de l'esprit. Vous êtes conscient de l'esprit. Vous êtes conscient du contact. Vous êtes conscient de la vibration, de la présence en vous autres du contact. Mais vous êtes encore esclave de l'esprit. Il viendra un jour où vous ne serez plus esclave de l'esprit. Tant qu'eux autres te disent « attends », bien subtil ça, je suis content que t'aies pas dit ça. Eux autres vont te dire « attends » quand t'as pas les moyens. Mais quand t'es moyen, t'attends plus. Donne un exemple. Moi, durant l'initiation, quand j'avais pas une scène, ils pouvaient me dire « bon ben attends, ça va s'arranger dans 3 mois, j'avais pas le choix. » J'attendais, puis je développais dans les stars, puis je développais dans les stars, puis je développais dans les stars. Mais aujourd'hui, si je veux quelque chose puis j'ai les moyens d'aller chercher, il n'a plus d'attente. Ils peuvent plus me dire attends. J'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis plus esclave des autres. Mais pour en arriver à plus être esclave de l'esprit, il faut avoir développé une résistance contre la volonté de l'esprit. Puis à ce moment-là, Charlie t'attend. Résister à la volonté de l'esprit. Ouais. Être capable de se rebeller contre. Mais tu peux pas te rebeller contre s'ils te font pas partir. Faut que pour une résistance, faut qu'il y ait un mur. Et à un certain moment, ta volonté est tellement forte qu'elle pète le mur. Et à ce moment-là, il y a un équilibre entre ta volonté et leur volonté. À ce moment-là, t'attends plus. Si t'as les conditions, t'attends plus. Parce que si t'as les conditions, ça fait déjà partie de ton pouvoir d'action. Fait que t'attends plus. Mais vous êtes encore esclave de l'esprit parce que vous êtes encore sujet à la domination de l'esprit sur votre esprit. L'autre fois, jusqu'à temps que tu décides de prendre le pot et de déboîter. Exactement. Ça, c'est une des lois les plus occultes de l'humanité qui vient. Il te fouette jusqu'à temps que t'en arrives à prendre le fouet, puis refouetter la condition dans laquelle tu tombes. Possible. Accepter que la force est là, puis maintenant t'arrêtes de te battre contre, puis après tu t'en sers. Tu te bats contre jusqu'au moment où t'es capable de te battre contre à un point tel que t'es capable de développer la volonté, de descendre l'énergie de l'esprit simple. Parce que la volonté, c'est l'énergie de l'esprit. Ça, c'est l'énergie qui bat contre. Tu te bats contre. C'est ça. T'as saisi cette affaire-là. Tu t'en sers. Puis là, tu t'en sers. Puis là, t'attends plus. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est pas une chose que vous pouvez atteindre parce que vous le voulez ou parce que vous le désirez. Parce que c'est vibratoire, ça, ça fait. C'est une vibration. C'est pas...